force et coups de poing sont les journées qui nous inspirent. Loin de la paix, mon avenir prend la forme du chagrin. Coups de tête et coups de folie sont les jours qui nous entraînent. Et les nuits n'ont pas de chaîne, car le reste du temps je traîne. Rien que des mains qui vont trop vite, rien que des cris qui sont trop forts. Toujours la peur entraîne la suite, jamais le cœur n'arrête le corps. Puisqu'elle est fragile mon âme, je sais déjà qu'un jour sans chance, je devrais faire ma révérence et tourner le dos à ma vie. Il restera bien du beau temps pour sécher les yeux noyés de toutes celles qui m'ont aimé, et au parloir je les attends. J'ouvre les yeux même si c'est dur, je n'ai plus la force de rêver. J'essaie juste de désamorcer les pièges de mon futur. Je n'ai plus la place pour voler, mais elle se replie dans ma tête. Je prends le temps et je le jette contre ces murs si fatigués. De jour en jour je fuis, les poings serrés contre ma tête. Je ne bouge plus, j'espère peut-être que j'oublierai même où je vis. Je me réveille sans vouloir recommencer les longs matins. Personne demande si je vais bien, sauf ma mère quand elle vient au parloir. Restera-t-il assez de temps pour oublier les voix cassées de toutes celles que j'ai aimées? Dans mes rêves je les entends. Force et coups de poing sont les journées qui nous aspirent. Loin de la ville, mon avenir prend la forme d'un refrain. Chercher le mot qui sauve fait les jours qui nous enchaînent. Et les nuits sont faites de haine, ça me rend fou, je deviens fauve. J'ai appris à pleurer, ça fait au moins de moi un homme. Je voudrais bien qu'on me pardonne, mais il y a tant à oublier. Je resterai là encore longtemps jusqu'à ce que je comprenne le mal. Je le côtoie, il est banal. Ici c'est lui le mouvement. Ici c'est lui le mouvement. Restera-t-il assez de vent pour gonfler mes voiles fragiles et cesser d'être immobile? Me restera-t-il assez de temps? Me restera-t-il assez de temps?